rendez-vous en décembre dernier. On a tenu donc une première réunion. Et donc nous avons également constitué, donc pour des raisons plutôt évidemment formelles, une association qui s'appelle Crise et Critique. Et donc tout cela, ça s'annonce plutôt bien. Donc on va organiser, très probablement, au moment où il n'y a pas de problème de salle, le 6 et le 7 avril, une autre espèce de donc, rencontre séminaire. Donc, probablement en attendant une trentaine, quarantaine de personnes. Bon, on va voir. Donc, qui devront consister au moins la première journée, la journée du samedi, dans une série d'exposés autour de l'œuvre de Moshe Postol et de la critique de la valeur en général. Donc, étant donné qu'il y a donc évidemment une superposition, une coïncidence partielle avec ce qu'on fait ici, et étant donné qu'il y a déjà plusieurs personnes évidemment, qui sont ici également participent à ces réunions, donc je porte cette réunion du 6-7 avril à la connaissance des autres. Et donc nous avons aussi donc, constitué une mailing list. Donc j'invite ceux qui veulent également de laisser leurs coordonnées de manière que nous pouvons les contacter au niveau de cette réunion qui va se tenir, donc comme je dis. Ce serait donc un peu comme une espèce d'approfondissement de ce qu'on a dit ici, surtout dans les premières séances ici. Donc, mais d'abord, je demande comme toujours s'il y a des observations sur le cours de... Donc la dernière fois, donc le cours a été donc plus vivant même que d'habitude, parce qu'évidemment peut-être parce qu'on a quitté évidemment le terrain des catégories marxiennes ou de la philologie marxienne. Donc évidemment on a introduit d'autres auteurs comme Durkheim, donc peut-être déjà cela permettait aussi des échanges plus vifs même ici entre nous. Et donc c'est très bien. J'avais d'ailleurs dit l'autre fois qu'au début j'avais prévu une seule séance sur tout le volet, disons, anthropologique de la critique du fétichisme. Après j'avais dit que de toute manière c'était impossible de traiter Durkheim, Ospolani, etc. dans une seule fois. Donc on s'était limité à Durkheim, donc je me propose aujourd'hui d'introduire Moss, Salins et Polanyi, mais je ne suis même pas sûr qu'on va terminer aujourd'hui. Il est vrai que dans ce que s'appelle maintenant le côté anthropologique de la critique du fétichisme, naturellement aurait pu très bien constituer à lui seul évidemment la thématique d'un cours entier. Mais on ne va pas le faire parce que malgré tout, donc en vérité, le but véritable de ce cours était quand même d'établir un lien entre le fétichisme de la marchandise et le narcissisme au sens psychoanalytique. Donc, les sciences sur l'anthropologie donnent les individus plutôt un caractère, disons, transitoire. Donc, justement, il doit nous conduire aussi à la question de la constitution du sujet, donc à la question de qu'est-ce qui est le sujet, justement, qui porte certaines manières, qui est constitué et qui constitue le fétichisme de la marchandise. Mais, en plus, d'un côté vrai, si nous sommes avec quoi dans cette étude, donc d'un côté, évidemment, parler d'anthropologie, ça rentre très bien dans le cadre général de l'école, de l'autre côté, on se trouverait, moi je me trouverais également aussi un peu, comme on dit, dans la gueule du lit de Lyon, évidemment dans un milieu, évidemment, il y a évidemment ici des gens, des professeurs dans cette école qui en savent évidemment plus que moi sur Moss, Durkheim, Polanyi, etc. Donc je vais aller un peu vite sur toute la question de la, disons, de la... ce qu'on pourrait appeler la question est-ce qu'il existait une économie avant le capitalisme. Donc là, ça pourrait être un peu le titre donc, de la science d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y avait une économie avant le capitalisme ou pas? Et donc nous allons donc examiner un peu la question, évidemment, la catégorie surtout du don. Et donc chez Marcel Mauss, de la société d'abondance chez Marshall Salins et la question de la, du désencastrement de l'économie chez Karl Polanyi. D'ailleurs, je consacrais à chacun de ces auteurs quelques pages dans les aventures de la marchandise, donc je vais tenter de ne pas trop me répéter pour ceux qui l'ont lu. Je vais plutôt peut-être ajouter quelques autres citations, quelques autres remarques autour de ces auteurs. En plus, il est même ici vraiment difficile de savoir évidemment quels sont les degrés de connaissance de chacun. Si tout le monde ici a lu, par exemple, l'essai sur le don ou la grande transformation de Polanyi ou pas. De toute manière, dans le cas des doutes, je préfère de toute manière de donner moi-même une brève résumé aussi de chacun de ces auteurs, plutôt que de présupposer des choses qu'on connaît qui peut-être ne le sont pas. Et, comme je dis, évidemment, il serait tout à fait bon de vouloir résumer cette pensée dans une séance ou même dans trois séances. Comme je dis, je ne prétends pas ici maintenant d'exposer la totalité de leurs pensées et même pas de leur faire justice, mais simplement de voir où sont les convergences possibles entre la pensée, entre cette pensée et la critique du fétichisme de la marchandise chez Marx telle qu'elle était interprétée par la critique de la valeur. Donc on se limite à cet aspect-là. D'ailleurs, on ne peut pas nécessairement dire que Marcel Mauss, Marshall Salins, Karl Polanyi, Louis Dumont et d'autres ne font pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler une école, un courant, mais il est comme assez évident que nous avons ici affaire à une espèce de famille de pensées. Donc, en effet, ces auteurs se réfèrent quand même beaucoup l'un à l'autre et font en général aussi comme une espèce d'arrière-terrain pour certaines approches sociologiques contemporaines, surtout dans tout ce qui est donc la revue du Mauss, donc l'école. Donc tous les théoriciens du don en général se réfèrent exactement aux théoriciens que je viens de nommer. Et on va voir donc après quel est le rapport de ces penseurs, qui en plus sont aussi très différents entre eux, comme quel est le rapport à la pensée, donc aux catégories marxiennes. C'est évident que du point de vue du marxisme traditionnel, il n'a pratiquement aucun rapport. Donc ces auteurs-là ne voulaient pas être marxistes, ont en général même assez explicitement anti-marxistes. En général, ils identifient aussi la pensée de Marx à la théorie de la valeur travail de Ricardo. Et ils posent en général plus ou moins explicitement leur pensée comme une alternative plus ou moins vaguement socialiste à la pensée de Marx. Là, ils ne font aucune différence en général entre la pensée de Marx et effectivement le marxisme traditionnel. Leurs critiques en général sont souvent justes et appropriées si on les aime. On les réfère à tout le marxisme qui tourne autour de la critique de la distribution, de la lutte des classes, du matérialisme historique, de l'économie ou de la valeur comme catégorie transhistorique, etc. Là, justement, l'importance de cette école, donc disons l'école du don, enfin bref, donc cette école, c'est justement d'être des outils très efficaces pour démontrer effectivement les limites, même la falsité de cette, disons, d'un certain matérialisme historique, donc comme tel qu'il a été proposé par le marxisme traditionnel. C'est aussi la raison pourquoi il y a une espèce d'ignorance réciproque entre le marxisme traditionnel et cette approche de Mauss, Polanyi, etc. De l'autre côté, justement, ce qui reste à penser, effectivement, le fait qu'il y a une convergence à un autre niveau, justement, entre cette critique de l'économie chez dans l'école du don et, justement, la véritable critique de l'économie politique, donc telle que nous l'avons retracé ici dans les premières séances. Et je suis aussi convaincu que évidemment le progrès de la théorie sociale dans les prochaines années naîtront en grande partie justement d'une convergence entre donc, la critique du travail abstrait, du fétichisme d'un côté, et cette critique anthropologique de l'autre côté. Mais évidemment, toujours en lisant les limites d'une approche aussi à la lumière de l'autre. Parce que, justement, on peut dire que Mauss, Salins, Polanyi et Dumont ont parlé d'une certaine manière, même sans utiliser effectivement souvent aussi de l'histoire de la préhistoire du fétichisme de la marchandise, et c'est là leur importance. Mais évidemment, je ne peux pas ici souscrire à une espèce quand même de glorification de leur pensée telle qu'elle existe, par exemple, dans toute la revue du Mauss, qui effectivement les pose souvent en alternative explicite par rapport à la théorie de Marx. Il reste quand même, on va le voir, il y a comme des limites assez fortes. Par exemple, pour Polanyi, par exemple, il ne critique pas du tout le concept de marché en tant que tel. Il veut simplement donc limiter le marché comme une institution totale. Mais selon, par exemple, M. Polanyi, il n'implique pas du tout une critique du marché. Ou de même que, par exemple, il y a chez ces auteurs un usage souvent très transhistorique des catégories. Là aussi, on va le voir. Par exemple, leur proposition politique référée au jour d'aujourd'hui constitue souvent dans une espèce de reprise d'institutions archaïques, comme par exemple ce que Polanyi appelle par exemple la redistribution à travers des pouvoirs centraux. Alors, c'est sûr que c'est le grand mérite de ce théoricien, cette manière d'avoir démontré qu'il y a vraiment si peu de naturel dans les catégories du travail, dans les catégories de l'économie, dans les catégories de la production matérielle au centre de la vie sociale. Je dis, cela je répète, est totalement en contradiction avec ce qui a été codifié sous le nom de matérialisme historique, mais, je dis, cela peut très bien, d'une certaine manière, se retrouver, d'une certaine manière, comme une espèce d'intégration de la critique du fétichisme chez Marx. Et, même si, je répète, on va voir où donc cette critique du matérialisme historique arrive dans certains auteurs quand même à une espèce de révalorisation excessive du côté symbolique ou idéal de société. Donc là, il y a une espèce même de crescendo qui arrive jusqu'à, par exemple, au livre pour une critique de l'économie politique du signe de Baudrillard, qui d'une certaine manière en tire les conséquences, mais qui par exemple arrive finalement, qui, comme d'ailleurs c'est assez typique pour Baudrillard, qui renverse les choses dans leur extrême opposé pour pratiquement nier finalement toute importance à la dimension matérielle ou aux besoins matériels, pour pratiquement réduire toute la société à un aspect purement symbolique. Justement, j'insiste, je pense qu'un progrès justement de la critique sociale justement doit tenir compte de ces approches, mais aussi de leurs limites. Après, maintenant, je vais très brièvement traiter séparément, surtout pour ceux qui n'ont pas lu donc ces trois auteurs, qui évidemment, je répète, ne peuvent évidemment pas du tout être considérés comme trois articulations de la même pensée. Évidemment, il y a des énormes différences entre, par exemple, Marcel Mauss, qui analyse essentiellement les sociétés archaïques, et Polanyi, qui analyse essentiellement la société du XIXe siècle. Il y a, par exemple, quand même des grandes différences aussi dans leur approche à la catégorie de l'économique. Par exemple, Marcel Mauss va sûrement plus loin que, par exemple, Polanyi dans le fait de nier même qu'il existe une dimension de l'économique comme dans les sociétés précapitalistes ou archaïques. De l'autre côté, quelqu'un comme Polanyi est sûrement beaucoup plus conscient des enjeux actuels, et par exemple, surtout, je pense que c'est le plus grand mérite de Polanyi, de souligner le caractère implicitement autodestructeur du capitalisme, de dire que le capitalisme tel qu'il s'est développé à la fin du XVIIIe siècle contenait déjà pratiquement dans son noyau même une possibilité de fonctionner. Seulement, comme on va le voir, le problème de Polanyi, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres interprètes même aujourd'hui, c'est de identifier le capitalisme unilatéral avec le marché, donc avec le libéralisme débridé, et justement et de penser qu'un certain retour de la politique et de l'État, tel que Polanyi le voyait à l'œuvre déjà entre les deux guerres, c'est la grande transformation dont il parlait, de croire que ce retour de la politique était déjà en tant que tel une espèce de dépassement du capitalisme et de son potentiel destructeur. Ce qui d'ailleurs, par exemple, chez Polanyi, va jusqu'à dire qu'il est exempté pratiquement de la société industrielle de toute critique, et pratiquement de se poser comme seul programme, simplement de ramener le marché dans le lit, comme dit en anglais. Donc c'est dans le lit d'une construction sociale plus vaste qui est capable de contenir l'économie, qui, chez Polanyi, n'est pas négatif en tant que tel, mais simplement est négatif si on permet à l'économie pratiquement justement de se désencastrer, comme on dit en français, et de prendre possession de la société tout entière. D'ailleurs, il est d'ailleurs assez curieux qu'il faut effectivement dire que Mauss et Polanyi sont assez radicaux dans leur déconstruction de la pensée économique. Et comme je dis, ils sont beaucoup plus radicaux que le matérialisme historique dans leur critique justement des catégories que nous sommes le naturel de la vie économique, mais dans leurs conséquences finalement ou dans l'usage qu'on fait aujourd'hui de leur pensée en général, ce ne va pas au-delà d'une proposition assez sage d'une réforme du système financier ou d'un encadrement politique majeur de l'économie. Donc, commençons dans un peu un ordre chronologique donc, avec la pensée de Marcel Mauss. Donc, comme vous savez, il était donc élève et neveu de Durkheim. Et donc il a commencé à publier dans les dernières années du 19e siècle, et son essai le plus important pour nous, c'est donc l'essai sur le don, publié en 24, donc pratiquement la même année, je le dis toujours comme Histoire et conscience de classe de Lukács et les essais sur la théorie de la valeur de Marx de Rubin. Donc on peut vraiment dire que là, entre 23 et 24, donc la réflexion sociale a sûrement fait son plus grand pas en avant après la mort de Marx, dirais-je. Et bien, évidemment, comme vous savez, donc Mauss, donc il cite donc ailleurs donc des matériaux très abondants, donc plus et plus dans toutes les cultures. Et surtout, évidemment, ce sont surtout les cultures polynésiennes, mais évidemment, il analyse une littérature très riche aussi sur les cultures européennes, germaniques, celtes, sur les Chinois, sur les Hindous, etc. Et avec on l'a déjà dit l'autre fois, avec une approche qui était plutôt pionnière pour l'époque, il ne fait pas une coupure nette entre société ethnographique et société moderne. Donc il prolonge sa réflexion sur la présence du don jusqu'aux sociétés contemporaines. Et bien, comme vous savez, évidemment, donc, il affirme que ce que semblait presque dans la modernité la seule forme de rapport social, c'est-à-dire vendre et acheter, c'est-à-dire la seule forme de circulation des biens, c'est-à-dire et vendre et acheter sur la base d'un échange d'équivalent, Donc, Mauss, c'est sûrement le premier qui a dit clairement que cela constitue historiquement une exception. Donc, il ne serait qu'assez tardif qu'on arrive à la vente et à l'achat, qu'on peut trouver comme un phénomène beaucoup plus large, évidemment, le don, ou plus précisément, la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Donc, il appelle cela donc, le roc éternel de la morale universelle. Donc, il affirme que cela constitue une espèce de constante dans presque toutes les sociétés qu'on peut observer. D'ailleurs, là, il faut de déjà éviter quelques équivoques. Donc, d'abord, c'est évident que lorsque Mauss parle du don, il ne parle pas simplement d'un cadeau fait par amitié ou pour bon cœur. Évidemment, donc, Mauss, évidemment, il n'y a pas une idéalisation naïve de société, de société primitive où tout le monde simplement aurait évité l'antagonisme de la société moderne. Mauss, il met clairement en relief que le don en général, a très souvent une dimension obligatoire. Et par exemple, ne pas rendre des dons, ça peut même déchaîner des guerres. Ou de toute manière, ou dans les meilleurs des cas, on perd simplement. Il y a une compétition pour le prestige. Évidemment, acquérir des dons, ça sert essentiellement. Donc, faire des dons, ça sert essentiellement à acquérir, à affirmer sa propre position dans l'hiérarchie, ou dans l'hiérarchie d'un groupe, ou la propre position du chef par rapport à d'autres clans, à d'autres tribus. Donc, affirmer donc, la universalité du don ne rentre donc pas dans une mythe du bon sauvage. Mais justement, il souligne le fait que dans l'échange des biens et des services dans les sociétés capitalistes, l'important n'était en général n'était pas d'augmenter sa propre richesse matérielle, mais d'affirmer sa propre position à l'intérieur de la société, parce que, vous le savez, en général, le don est fait avec, aussi avec l'intention de mettre justement l'autre dans une position d'infériorité et de l'obliger à rendre le don et possiblement de le rendre d'une manière d'une manière agrandie, de manière que le contre-don doit être plus grand que le don, etc. Évidemment, comme Mauss ne se lasse pas de souligner, ce sont des habitudes qui existent encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui dans le combat de générosité, même encore aujourd'hui, même dans notre vie quotidienne, dans les tournées au bar, ou lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on veut évidemment frapper avec un grand cadeau, etc. On retrouve et partout, évidemment, que c'est l'intention de faire du don, que justement, se propose souvent d'être plus grand de ce que, d'une certaine manière, de ce qu'on serait obligé de faire si on restait à un simple échange d'équivalents. Et je répète, donc, cet échange de don est effectivement quelque chose qui n'est pas du tout explicable avec la logique de l'échange marchand, tel qu'il a été analysé autant par la pensée libérale que pour le marxisme, comme presque la seule forme d'échange de biens. Donc ni toute la pensée libérale, toute l'économie politique bourgeoise moderne, ni les marxistes en général n'ont jamais donné beaucoup de poids à l'idée qu'on peut donner quelque chose sans exiger en retour un équivalent, parce que toute la science économique moderne est toujours une science d'équivalent. Évidemment, l'équivalent pour la théorie de la valeur travail de Ricardo, ou comme on l'attribue à Marx, il faut qu'il y ait des quantités égales de travail qui en échange, mais même les approches alternatives comme l'école marginaliste dans l'économie politique bourgeoise restent toujours pensées de l'équivalent, parce que vraiment là, l'équivalent est pensé en termes d'utilité marginale. Mais évidemment, dans toute Dans toute pensée moderne, il faut toujours qu'on obtienne exactement ce qu'on a, ce qu'on a donné, ou possiblement qu'on obtienne davantage. Et donc, là, bon, effectivement, c'était assez révolutionnaire de la part de Marcel Mauss de souligner qu'il existe une logique du don, qu'on fait exactement dans l'espoir de créer une situation où l'autre ne veut pas rendre exactement ce qu'on lui a donné, parce qu'on obtient quelque chose en échange, donc, par exemple en termes de prestige, en termes d'honneur, qui peut être plus important. Alors, dit cela, il faut dire que il y a une certaine tendance, je pense, d'identifier le don, en sens de mots, avec le potlatch. Il faut dire que là, c'est exagéré. Alors, le potlatch, donc, c'est une forme extrême du don, donc, qui analyse, qui cite Mauss sur la base de récits de l'ethnographe. Donc, le potlatch a d'abord été observé chez les tribus canadiennes, où effectivement passe l'hiver donc à se faire des cadeaux somptueux qui effectivement visent directement à humilier l'adversaire, à démontrer sa propre richesse et à le défier à répondre avec un cadeau encore plus grand auquel, donc cela c'est un véritable combat, une espèce de véritable où donc évidemment. Après, ça continue évidemment en chaîne. Donc, il faut évidemment répondre avec un cadeau encore plus grand. Donc, ça peut arriver, dans certains cas, par exemple, à la destruction démonstrative de sa propre richesse, toujours avec un geste de défi. Donc, pour dire, je veux voir si toi tu peux faire autant. Donc, il y avait donc aussi des chefs, par exemple, des chefs des tribus, par exemple, qui massacraient tous leurs chiens qui détruisaient leur bateau juste pour mettre l'autre en défi et faire la même chose. Alors, cette forme extrême qui est le potlatch, évidemment, a fasciné quelqu'un comme Georges Bataille, qui, évidemment, on a tiré en 1950, je crois, donc ça, évidemment, son livre, La part maudite, et dans toute sa théorie, donc, qui en faisait une espèce de théorie générale sur le fonctionnement de la société humaine, où pratiquement il y a une espèce de pulsion ontologique à la dépense, donc juste évidemment jusqu'au fait de sacrifier sa propre vie. C'est un peu à la base de toute la pensée des batailles, et qui a évidemment. Qui elle-même a eu une influence notable d'un côté, évidemment, commencé par exemple sur la pensée de Jean Baudrillard, donc j'ai déjà cité, mais également aussi sur Guy Debord et sur le jeune lettriste et situationniste. Il suffit de penser donc que la petite revue de jeunes lettristes s'appelait justement Potlatch, donc c'était juste quelques années après la republication de l'essai sur le don et de la publication de la partie maudite de Bataille. Et ben, d'ailleurs, si on étudie un peu l'histoire des situationnistes et aussi même la vie personnelle de Debord, on voit quel rôle a joué effectivement cette idée du défi, cette idée donc évidemment du cadeau défi de mettre l'autre dans une espèce d'obligation ou de répondre en donnant encore beaucoup plus ou de reconnaître la supériorité de celui qui a donné. Évidemment, donner, ce n'est pas toujours en termes matériels, mais on peut évidemment aussi donner sous d'autres formes. Et, par exemple, avec des actions éclatantes ou avec des gestes, avec des publications, etc. Tout cela, ça peut être interprété comme un défi. On peut effectivement lire beaucoup d'autres actes humains dans même l'histoire de la culture, toujours, surtout tout ce qui n'a pas une utilité immédiate peut souvent être lu évidemment dans le cadre, dans la perspective de la du défi. Par exemple, même l'histoire des avant-gardes artistiques, cette espèce de destruction des formes anciennes, de faire des choses que personne n'avait jamais fait avant, par exemple d'abandonner la perspective ou de commencer à coller des objets directement dans le tableau, ou finalement de faire des tableaux purement abstraits. Il y avait là aussi une logique de défi aux autres, par exemple, pour dire est-ce que vous êtes capable d'en faire autant ou pas. Mais justement, je veux dire, donc, le potlatch a beaucoup fasciné, surtout dans les années 60 et 70, tout un courant de la réflexion sociale. Mais pour comprendre mieux ce que veut dire Mauss, il faut se rappeler que le potlatch n'est que la forme la plus extrême du don. Le don n'est pas nécessairement toujours donné avec l'intention d'humilier l'autre, ce n'est pas toujours une espèce de guerre simulée. Donc le don peut aussi simplement rentrer dans avoir une forme très ritualisée, par exemple comme justement de ce qui est le plus décrit le don, c'est évidemment l'anthropologue polonais Malinowski, donc dans sa fameuse description des échanges qui ont fait évidemment en Polynésie, où les gens se rendent, font une longue périple des visites chez leurs voisins, et chaque fois ils échangent au milieu de même cérémonie des objets avec les autres. Mais finalement, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'ont rien gagné, ils ont autant dépensé qu'ils ont obtenu. Donc le véritable but de tout cela, c'était plutôt donc de sauvegarder le lien d'amitié avec ceux qu'il avait visités plutôt que effectivement d'acquérir des richesses. Mais dans ces cas-là, par exemple, il n'y a pas cette dimension explicitement agonique comme dans le potlatch. Alors, je vous dis des choses que vous connaissez. Donc, je ne connais pas vos degrés de lecture. Non. Ouais. De toute manière, alors, on ferait quand même tort à Mauss si on rabat l'intérêt de son ouvrage seulement à cette question d'une circulation de biens qui ne se base pas sur l'équivalence. Ce qui est également intéressant chez Mauss, c'est justement le fait qu'il insiste sur le fait que dans de véritables sociétés du don, il y a une circulation qui comprend tous les aspects de la vie. Donc ce n'est pas seulement une circulation des objets matériels. Il parle justement de le concept fameux de Mauss, c'est le phénomène social total, parce que ça veut dire dans ces sociétés, donc les différents segments de la société, comme il les appelle, donc par exemple les clans à l'intérieur d'une tribu, ils échangent tout entre eux, donc, sans distinction entre ce que nous on appellerait matériel ou non matériel. Et donc, c'est aussi la raison pourquoi dans cette société du don, il n'y a pas d'économie, parce qu'il n'y a pas une partie de la vie, c'est-à-dire il n'y a pas la satisfaction des besoins matériels qui constitue un secteur séparé par rapport aux autres choses. Et au début de son essai, écrit Mauss, donc ces phénomènes sociaux totaux, comme nous proposons de les appeler, s'expriment à la fois et d'un coup toutes sortes d'institutions religieuses, juridiques et morales, et celles-ci politiques et familiales en même temps, économiques, et celles-ci supposent des formes particulières de la production et de la consommation, ou plutôt de la prestation et de la distribution, sans compter le phénomène esthétique auquel aboutit ce fait et le phénomène morphologique que manifestent ces institutions. Et également, oui. De plus, ce qu'il échange, ce n'est pas exclusivement des biens et des richesses, des meubles et des immeubles, des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des politesses, des festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires, dont le marché n'est qu'un des moments et où la circulation des richesses n'est qu'un des termes d'un contrat beaucoup plus général et beaucoup plus permanent. Enfin, ces prestations et contre-prestations s'engagent sous une forme plutôt volontaire par des présents, des cadeaux, bien qu'elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à peine de guerre privée ou publique. nous avons proposé d'appeler tout ceci le système de prestation totale. Donc, en effet, Mauss insiste beaucoup sur le fait que ce qui en vérité fait circuler les objets, c'est juste le fait que les objets aussi ont une âme. Et donc, c'est aussi le mana dont nous avons parlé l'autre fois. Et donc, si on donne quelque chose à l'autre, on donne aussi une partie de soi-même. Et également, donc, si on reçoit quelque chose de l'autre, on reçoit aussi une partie de l'autre. Donc, ce qui fait, donc, le don, dans la perspective de Mauss, n'est pas du tout n'oublie pas du tout à des raisons utilitaires. Ce n'est pas une autre façon simplement d'assurer la distribution des biens dont la société a nécessaire. Donc, ce n'est pas une autre façon de porter le sel, que rentre le producteur de sel, dans un endroit où il y a des bananes pour recevoir les bananes de ceux qui comptent les bananes mais qui n'ont pas le sel. Justement, le don n'est pas une autre forme d'économie. Là, je pense que c'est vraiment très fort en le soulignant. Le don est essentiellement une manière pour établir un lien d'amitié, un lien de confiance entre les différentes, pas seulement entre les individus, mais surtout entre les différents groupes, entre les clans, entre les tribus, entre les peuples. Et donc les objets matériels, ils peuvent circuler comme tout le reste. Il y a plus d'autres anthropologues ont beaucoup souligné qu'en général, le premier commerce, effectivement, les premières choses qu'on échange dans un endroit, ce sont les échanges matrimoniaux, donc ce qu'on appelle justement les échanges de femmes. Et donc, justement, il faut que le tribu ait quelque chose à donner l'un à l'autre. Donc, même si les clans pouvaient être autosuffisants, ils ne voulaient pas l'être, parce que cette espèce d'autosuffisance devenait une espèce d'autarcie qui finalement empêcherait tout contact entre les différents groupes humains. Donc, Mauss décrit clairement le don comme une forme de contrat social primitif, comme on dit, donc comme une manière pour éviter que ce genre de société tombe dans une espèce de petits groupes complètement fermés envers les autres et donc facilement amenés à entretenir des rapports hostiles avec les autres. Donc le beau du don, c'est justement que chacun ait besoin de l'autre. Et c'est aussi pourquoi il est important que la chaîne du don ne se ferme jamais. Justement, on ne doit jamais arriver à une situation où on est quitte, où chacun peut s'en aller pour sa propre part. Justement, c'est là le typique du contrat moderne, de change d'équivalent. Moi, je t'ai donné le sel, tu me donnais les bananes, et maintenant, je retourne ce soir. Justement, dans l'optique du don, ce serait la pire des choses possibles. Il faut qu'on reste toujours en dette envers quelqu'un, parce que justement, la chaîne du don donc n'est jamais terminée. On rend ce qu'on a reçu, et l'autre, il faut qu'elle rende ce que lui, elle a reçu, etc. Donc, il faut qu'il y ait une situation de dette permanente. Parce que seulement de cette manière, les groupes humains continuent à avoir besoin l'un de l'autre. Là aussi, donc ce n'est pas... parce que justement, il ne s'agit pas d'une chose d'objet, donc les choses même, donc, Mauss possède une certaine personnalité. Ce ne sont pas des choses complètement sans vie, comme dans le système juridique moderne. Donc d'abord, les objets, de certaine manière, font partie aussi de la famille. Et donc, par exemple, l'habitude, une fois assez... répondu, donc par exemple de faire des vœux, de faire par exemple, une promesse, par exemple, même une promesse au sens religieux, par exemple, un vœu à la Madone, est une situation assez similaire, dit Mauss, comme la situation de quelqu'un qui a reçu une don. Donc il est de certaine manière lié, il a une dette envers quelqu'un d'autre, il a fait une promesse, il doit tout faire pour annuler cette situation d'infériorité où il est jusqu'au moment où il n'a pas pratiquement. Réussi à se libérer de cette obligation, qui peut être une obligation vers une autre personne, une obligation vers un être religieux. Euh, Et donc, le lien existe, il donne la chose même, et pas simplement dans les actes magiques ou dans la formule du contrat, dans le mot, dans les promesses. C'est l'objet lui-même qui porte toujours une espèce de l'âme de celui qui l'a possédé ou qui l'a fabriqué. D'ailleurs, nous les voyons même encore aujourd'hui, parce que souvent, lorsque nous donnons un objet auquel nous sommes particulièrement attachés à un être aimé, comme une espèce, évidemment, de gage d'amour, d'amitié, c'est évidemment que nous avons encore la même idée qu'il y a une espèce de morceau de nous qui rentre dans la maison de l'autre, qui rentre dans sa poche, etc., et qui fait que nous continuons à avoir une espèce de lien avec l'autre. Mais pour le moment, il est net qu'en droit maori, donc en Polynésie, le lien de droit, lien par les choses, est un lien d'âme, car la chose elle-même a une âme et de l'âme. D'où il suit que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi. Mais ce mélange étroit des droits et des devoirs symétriques et contraires cessent de paraître contradictoires si l'on conçoit qu'il y a avant tout mélange de liens spirituels entre les choses qui sont à quelques degrés de l'âme et les individus et les groupes qui se traitent à quelques degrés comme des choses. Tout va et vient comme s'il y avait échange constant d'une matière spirituelle comprenant choses et hommes entre le clan et les individus, répartis entre le rang, le sexe et les générations. Et juste par exemple, les dons, justement, sont souvent faits, comme je dis, sans aucune intention de se enrichir, parce que le groupe sont déjà autosuffisants, mais ils doivent produire un sentiment d'amitié entre les personnes qui sont dans leur. Qui se font des dons. Alors, la manière dont Moss s'exprime, il parle souvent de confusion, donc de confusion entre choses et personnes. Et lui a attiré plus tard beaucoup de critiques, donc on a dit que Moss aussi est resté dans une espèce d'une optique de, presque raciste, donc d'attribuer au peuple dit primitif, donc une espèce de confusion, une incapacité, par exemple, de faire des distinctions entre les objets animés et inanimés, entre les personnes et les objets. Et donc on a reproché donc cette approche de Moss aussi à l'approche d'un autre anthropologue important de l'époque, Lévi Brühl, donc qui avait attribué aux sauvages une mentalité pré-logique. Et à la même époque, c'était aussi Freud, dans Totem et Tabou, qui évidemment a fait cette analogie entre les sauvages, les névrosés et l'enfant. Donc évidemment, on a donc plus tard, au moins après la moitié du siècle, on a beaucoup critisé cette approche, on y a vu une forme larvée de racisme. Je ne veux pas trop juger sur les détails, mais l'autre a quand même dit qu'en vérité, Moss n'attribue pas du tout au peuple là qui l'examine une espèce d'infériorité mentale ou une incapacité de distinguer par exemple entre personnes et choses. Il dit simplement qu'ils avaient des critères de classification qui sont radicalement différents des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de système de classification, mais évidemment, si on par exemple admet que tout objet peut être animé, peut être porteur du mana, dont nous avons parlé d'autres fois, il s'impose simplement d'autres façons de classifier les objets qui existent dans le monde, qui peuvent être, là aussi Lévi-Strauss a fait une importante démonstration, donc ces autres systèmes de classification peuvent évidemment être c'est basé sur des capacités, disons que logiques, intellectuelles, tout aussi développées qu'évidemment que les capacités dont nous avons aujourd'hui. Donc, personnellement, pour ce que je vois, je ne pense pas qu'on peut attribuer à Moss vraiment une fausse vision donc des sociétés qu'il analyse. Et surtout, comme je répète, ce qui est intéressant, c'est moi, c'est une des premiers justement à ne pas établir une fracture nette entre la société dite primitive et nous-mêmes, au contraire, d'affirmer que les sociétés modernes, de certaine manière, sont la continuation de certains traits qu'on trouve simplement de manière plus visible et plus claire dans les sociétés dites primitives. Et ici, il s'ouvre évidemment une question intéressante pour nous, pour ce qui concerne le fétichisme de la marchandise. J'y en ai déjà parlé l'autre fois, mais la question aussi, mais bon, de cette manière, me poursuit un peu même personnellement. Alors justement, la question, où est-ce qu'il existe une véritable continuité entre le fétichisme de la marchandise et l'autre forme de fétichisme? Ou est-ce que cela reste quand même largement sur le plan de l'analogie et de la métaphore? Je trouve assez difficile de le décider. Et parce que, comme je dis, il y a deux... on peut absolument constater deux approches différentes. Une approche, par exemple, de la pensée bourgeoise et de la pensée marxiste traditionnelle, qui dit en vérité l'être humain s'est toujours intéressé au temps de travail, à la valeur, et s'est toujours intéressé à son profit, bénéfice individuel. Là, c'est une réalité transhistorique. Et donc, on a toujours, évidemment, déjà les chasseurs préhistoriques voulaient simplement maximiser son profit. Et toutes ces autres histoires de dogmes, etc., n'étaient que de formes peu parfaites, ou à la limite, étaient une espèce de déguisement de cette réalité fondamentale que chacun veut simplement avoir, finalement, le plus possible pour sa propre satisfaction. Donc, là, c'est l'approche qui, aujourd'hui, assurément, reste l'approche majoritaire, dans le sens économique bourgeoise et aussi dans l'approche marxiste vulgaire. L'autre approche est justement une approche qui commence avec Mauss, que nous trouvons aussi après, on l'a dit, chez Baudrillard, chez Louis Dumont et chez d'autres, qui renverse exactement la chose et qui dit finalement nous sommes toujours restés les mêmes sauvages. Ce qu'on peut observer chez les soi-disant sauvages, c'est une espèce de constante anthropologique qui simplement aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même logique, simplement qu'elle est plus difficile à distinguer, mais en vérité, également, donc nous avons toujours le même besoin, par exemple, de faire des dons pour établir des liens. Nous avons le même, ou par exemple chez Bataille, c'est la même approche ontologisante, donc nous avons toujours le même besoin de nous dépenser totalement, donc... Pour retrouver une espèce d'essence universelle des choses. Et donc là, d'autres ont aussi proposé d'interpréter toute la question actuelle des dettes, des marchés financiers, etc., également, encore dans la logique du don, donc de la nécessité d'être toujours en dette, justement, pour rester en société. Et donc là, on tombe un peu, je trouve, dans l'excès contraire, donc une possibilité, même l'homme paléolithique était déjà évidemment un homo economicus calculateur. Dans l'autre cas, nous sommes en vérité toujours restés les mêmes comme il y a 10 000 ans, seulement que nous n'avons pas conscience. Mais pourtant, on parle d'argent dette, là, depuis quelques années, on parle d'argent dette. Donc, ça n'a pas un rapport. Enfin, il ne savent même pas que ça a un rapport. Oui, mais évidemment, à une première vue, par exemple, toute la question des dettes aujourd'hui, évidemment, c'est une question purement économique qui, évidemment, répond aux besoins, par exemple, des groupes sociaux, des individus, de s'enrichir parce que, selon la théorie la plus répandue, donc, le but suprême de chaque être humain de s'enrichir, donc pour avoir la maison la plus grande possible, manger le plus possible, avoir la bagnole la plus grande possible, etc. Mais donc, ce regard anthropologique, de certaine manière, prétend déchiffrer ce comportement et trouver derrière d'autres motivations, donc qui au contraire seraient des motivations souvent qui restent assez archaïques. Donc au contraire, comme je dis, c'est peut-être le Baudrillard de l'économie politique du signe qui l'a fait de la manière la plus extrême, qui dit en vérité, nous voulons surtout satisfaire nos besoins symboliques, nous voulons surtout avoir une surplus, nous voulons surtout avoir cette espèce de sacrifice de la part du veuve, et seulement après la société humaine commence à aussi satisfaire ce qu'on appelle leurs besoins naturels ou leurs besoins de base, n'est-ce pas hein? Toi, tu connais cette thématique, non? Oui. Bon, je ne sais pas, c'est toi donc, tu connais ce nom, tu as bien étudié Baudrillard, non? Ah oui, je connais. Donc, excusez-moi, je me tiens à voir. Est-ce que ma vision, est-ce que mon résumé de Baudrillard est correct? Non, non, moi je ne suis pas spécialiste. Alors, de justement, comme je l'ai dit, je pense qu'il est vraiment important d'éviter ces deux formes de ontologisation. Il est vrai que la deuxième, la ontologisation anthropologisante, bon, effectivement, un terme un peu compliqué, l'ontologisation anthropologisante, effectivement, peut relativement paraître plus sympathique parce qu'au moins, elle a un peu l'effet de certaine manière de rabattre notre orgueil de la société moderne. Donc, ça peut avoir une espèce de. Jouer un peu un rôle comme de dissacratoire donc, par rapport à. Parce qu'évidemment, la vision officielle de la société moderne, c'est toujours évidemment que nous. Que nous sommes la société la plus parfaite, nous sommes une société consciente de nous-mêmes, que. Et à partir de lumière, donc la société moderne se définit essentiellement par opposition évidemment, à la sauvagerie de toutes les sociétés précédentes, en affirmant que maintenant, nous, évidemment, nous ne nous laissons plus guider par des logiques religieuses, des logiques de sacrifice, que nous sommes au contraire dans une possession de nous-mêmes et dans une prise rationnelle sur le monde. Par rapport à cette prétention qui reste évidemment la doxa générale, ça peut effectivement avoir un effet salutaire de désenchantement, si on veut, de rappeler jusqu'à quel degré, en vérité, nous continuons encore à reproduire, en vérité, des mêmes logiques de ceux que nous regardons dédaigneusement comme les sauvages. Mais, je répète, si on exagère avec cette tendance, également, on finit aussi, finalement, pour nier toute possibilité d'une évolution historique. Et on retourne curieusement également dans une forme presque de biologique. Il semble également que là, l'être humain reste à peu près toujours le même, au moins depuis la fin du paléolithique. Donc tout ce que nous faisons ou croyons pouvoir faire en vérité est presque voué à l'échec depuis le début parce que nous sommes en vérité toujours avec une marge de manœuvre très réduite parce que nous sommes presque condamnés à toujours répéter les mêmes logiques du sacrifice, les mêmes logiques de. Symbolique, les mêmes logiques de la dette, etc. Je pense justement même ici qu'une théorie sociale doit effectivement éviter ces deux formes de ontologisation et d'être sensible à la particularité de chaque époque historique, sans évidemment nier qu'il y a aussi de continuité. Et justement, la question de la continuité, et j'en ai déjà parlé brièvement, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que, donc justement, on peut dire que le fétichisme de la marchandise, justement, est un fétichisme, parce que ce n'est pas un comportement rationnel, mais c'est également un comportement inconscient, et finalement, autodestructeur de l'être humain. Et donc, c'est une forme de socialisation indirecte où également les êtres humains conçoivent leur lien social sous forme d'un objet externe. Donc, aujourd'hui, c'est la marchandise, comme ça pouvait être le totem pour une société ou la terre pour la société féodale. Mais justement, la question qui reste ouverte. Jusqu'à quel point, au-delà de la simple métaphore, on peut dire par exemple que notre rapport au travail, effectivement, reste encore dans ce cadre un rapport magique. C'est comme je dis, attribuer à des objets de traiter les marchandises selon le travail qui ont passé à côté de leur production, mais qui n'est plus présent là, est en vérité une pure projection, il n'y a absolument rien de réel. Donc évidemment, donc Marx insiste toujours sur le fait que la marchandise est un objet justement sensible, suprasensible, qu'il a une double nature et qu'à côté de sa nature certaine, réelle du valeur d'usage, il y a cette autre nature qui est la valeur et que la valeur est une catégorie purement fantasmagorique, le dit Marx. Donc évidemment, c'est une pure projection, c'est une pure convention sociale inconsciente. Et donc même si Marx n'arrive pas à faire l'analogie avec la société sauvage, on peut quand même dire, en vérité, c'est une pensée magique. Donc même l'idée de la valeur au travail, de traiter les objets donc, selon le travail, et en plus pas selon le travail réel qu'ils ont coûté, mais selon une moyenne sociale, et effectivement, d'une certaine manière, c'est une procédé qui est tout aussi, d'une certaine manière, qui est... relève de la même catégorie qu'on, par exemple, de projeter le pouvoir du clan sur un animal totémique. Donc chaque fois, donc, là aussi, la société donc, projette son propre pouvoir social sur un objet qui, en tant qu'objet, en vérité, n'a pas le moindre lien avec ce qu'on lui prête. Et bon, évidemment, en vérité, les kangourous n'ont rien à voir avec le pouvoir de la tribu australienne. Également, en vérité, cette table est un objet en bois, probablement plastique, en vérité, en tant qu'objet, ou comme le dit Marx, aucune analyse chimique n'a jamais trouvé, même pas un atome, de valeur d'échange dans une table. Et donc, on peut quand même voir, même dans le fétichisme de la marchandise, une espèce de continuation, justement, de la pensée magique et de la pensée du mana, donc de cette espèce de pouvoir, l'espèce de fluide qui entoure les objets, qui peut passer d'un objet à l'autre. Et justement, cette idée que la valeur est transférée d'un objet à l'autre, que la valeur se transfère de l'objet à un autre objet sans aucune utilité, comme la monnaie, et après se transfère sur un autre objet. L'objet, le même objet physique peut perdre sa valeur lorsqu'il n'est pas vendu, ou il peut doubler sa valeur lorsqu'il est vendu dans de bonnes conditions, etc. C'est vrai que tout cela, effectivement, peut bien être interprété comme une espèce, en termes anthropologiques, comme un transfert des pouvoirs magiques, comme un transfert du mana. Et là aussi, comme un transfert d'âme. Là aussi, encore, on peut dire que c'est une insistance de Mauss sur le fait que nous échangeons essentiellement des portions de notre âme lorsque nous échangeons des objets, là aussi on peut l'appliquer aux marchandises parce qu'évidemment, si nous attribuons une valeur aux objets parce que, à cause de leur travail, donc ça veut aussi dire le travail de certaines manières dans une société moderne, c'est aussi notre âme. D'une certaine manière, évidemment, le travail, c'est évidemment nous avons donné. Une partie de notre vie, une temps de notre vie à la création de quelque chose. Et si nous demandons une prise, c'est évidemment parce que nous séparons d'une marchandise que nous avons produite, nous nous séparons aussi d'une partie de notre temps de vie. Donc on peut aussi dire nous nous séparons aussi d'un morceau de notre âme. Et nous voulons en échange une partie de l'âme de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie différence avec pratique donc Mauss du fait que les objets, enfin, de l'absence des dieux, parce que c'est très important dans ce qu'il décrit, que l'objet, par exemple, quand ils détruisent leur bouclier en cuivre, là, ils les rendent à la terre parce qu'il y a un dieu du cuivre, un dieu de la terre, un dieu des dieux de tout, et maintenant il n'y en a plus. Donc ça me paraît quand même faire une vraie différence dans le statut de l'objet, même s'il y a un dieu, même si vous dites magique, c'est qu'il y a la projection de notre énergie, de nous-mêmes dans le travail, et l'absence totale des dieux qui est partout dans les sociétés qui écrivent. Je sais pas, ça génère quand même une vraie différence dans le statut d'objet, non? Oui, bah, d'abord, en vérité, dans les sociétés qu'elle décrit, plus que de dieux, on pourrait dire qu'il y a des esprits partout. Donc, évidemment, ce ne sont pas des dieux personnalisés. Donc, c'est une espèce d'animation de l'objet. Oui, et justement, donc, la théorie du fétichisme de la marchandise, de cette manière, souligne qu'avec la marchandise, nous sommes presque retournés à une espèce d'animisme, parce qu'évidemment, la marchandise en tant qu'objet sensible, suprasensible, fait de manière que même le plus banal des objets dans une société marchande a toujours une espèce d'âme à part, qui est à côté de son existence matérielle. Oui, par exemple, si l'objet est un objet à doublé de valeur marchande, à cause de la monnaie, je veux dire, personne n'aura l'idée d'aller voler ces toiles de maîtres qui ont augmenté 100 fois de valeur marchande par rapport au moment où ils l'ont acheté. Non? Non, parce que d'abord, parce que dans les sociétés du don, en général, n'ont pas l'idée de l'accumulation. C'est là une différence très importante, justement, parce que les objets servent essentiellement à créer des rapports, mais les rapports, on ne peut pas accumuler des rapports. Donc, en vérité, nous sommes dans une société qui veut essentiellement se reproduire et donc qui ne se pose pas pour but d'avoir le plus de richesses possible. Donc, le prestige qu'on acquiert grâce aux objets, mais ne peut pas se passer de leur accumulation, à la différence des sociétés archaïques. C'est le prestige qui est accumulé, non? Oui, mais il ne peut pas s'accumuler au-delà d'un certain degré, justement, et en plus... Quand il y a un collier avec des dents de porc, il y a 60 dents de porc, ça fait 60 personnes qu'on connaît. Oui, mais il ne peut pas être réinvesti dans ce cycle d'énergie. On peut se séparer de l'objet en augmentant son prestige, tandis que dans la marchandise telle qu'on la connaît, on ne peut pas. Enfin, c'est pas... Non. Ça nécessite l'accumulation des objets pour augmenter son prestige que la marchandise telle qu'on la connaît. Oui, mais justement, dans la société, moderne, fétichiste, justement, la position de l'individu dans la société est déterminée par sa position économique, donc ça veut dire en général par la portion de travail qu'il représente, que ce soit son propre travail ou le travail d'autres, donc il a réussi à s'approprier. Voilà pourquoi nous avons souvent dit que dans la société capitaliste, justement, le travail est l'élément de synthèse sociale. Donc le travail n'est pas simplement l'objet d'une redistribution qui suit d'autres critères, mais le travail devient lui-même son propre critère de distribution, donc devient lui-même le lien social. Voilà. Et là, justement, là, c'est la théorie du fétichisme. Et Marx se rencontre avec ses idées de Mauss ou de Polanyi sur le fait que ce n'est que dans la société moderne que l'économie, l'aspect qu'on pourrait appeler économique, s'émancipe par rapport à la société, et devant au contraire, qui met la société à son propre service. Oui, mais comme je dis, évidemment, on ne peut pas faire des liens directs entre les Indiens qui ensevelissent leur cuivre comme un geste de défi et la logique de la marchandise. Nous restons quand même, évidemment, dans une... évidemment, aussi dans la métaphore, dans l'analogie. Je me demande simplement si on veut vraiment tenter de comprendre aussi pourquoi le travail abstrait il n'est comme catégorie a pris un tel pouvoir dans la société moderne. On pourrait, mais c'est vraiment une piste possible, penser que justement le travail abstrait donc, a pris la même place que dans d'autres sociétés précédentes, avec d'autres formes de pensée magique et de projection de sa propre puissance. Mais après, donc, si cela veut dire que... on ne va jamais en sortir, qu'on reste toujours avec cette nécessité de projeter sa puissance sur l'objet externe, ou si on peut vraiment en sortir après des milliers d'années, évidemment c'est une autre question. Mais je pense qu'il est quand même utile justement de se rappeler que le fait de traiter les marchandises selon le travail mort qu'elles représentent en tant que tel n'est pas du tout plus rationnel ou plus logique ou plus sensé que le totémisme ou la pensée du mana dans d'autres sociétés. Ça reste quand même une espèce de prolongation d'autres formes, évidemment, de socialisation inconsciente. Et en effet, donc, j'aurais trouvé justement l'autre livre dont je voulais parler, c'est aussi l'économie de l'âge de l'abondance, donc ça s'appelle en français The Stone Age Economics de Salins. où justement il fait lui-même, donc cette, il dit que Mauss semble assez proche, dit-il, du Marx du premier chapitre du Capital. Il dit que sans manquer de respect, donc il apparaît ici assez animiste. Donc si on dit, c'est toujours ça, ce qui résume, qu'évidemment une kilo de blé peut être échangé avec une certaine quantité de fer, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a d'égal dans ces choses qui comme objets matériels sont totalement différents. Et parce que Marx pose la question, qu'est-ce qu'il y a qui arme à l'intérieur de ces choses qui les harmonise, donc qui permet de les mettre sur le même plan. Et Mauss, il pose la même question, il dit, quelle est la force contenue dans la chose qui induit le bénéficiaire à le changer. Justement, comme Mauss l'analyse, évidemment, il y a quelque chose, il y a une force dans les objets donnés qui pratiquement oblige celui qui, moralement, donc, celui qui le reçoit à le rendre. Et donc, selon Salins, donc, la réponse de Mauss et de Marx sont identiques. Il affirme toujours qu'il y a une propriété intrinsèque aux choses. Donc, pour Mauss, c'est le Hau, un concept magique qu'il trouvait chez les Polynésiennes, donc l'esprit des choses. Et pour Marx, c'est évidemment le temps de travail socialement nécessaire. Et donc, toujours selon Salins, Marx et Mauss, Mauss et Marx voient tous les deux dans cette transaction une forme spécifique d'aliénation. Dans les sociétés, dans la réciprocité primitive, c'est l'aliénation mystique de celui qui donne. Et dans la production des marchandises, c'est l'aliénation du travail humain, social. Donc, au-delà du fait que même Salins, je pense qu'il n'a pas vraiment très bien compris le concept de fétichisme chez Marx, parce qu'à Salins, comme aux autres auteurs, il leur manque vraiment le concept de travail abstrait. Donc, c'est là vraiment leur grande limite. Mais je trouvais quand même assez curieux le fait que Salins a quand même effectivement observé qu'on peut effectivement que la description marxienne de la marchandise peut effectivement d'une certaine manière être interprétée aussi comme une forme d'animisme. Comme je vous ai dit, donc je laisse aussi à votre appréciation de la question si quel est le degré de réalité ou de purement métaphorique de cette analogie. Donc de toute manière, cela nous confirme aussi pour dire que le fétichisme de la marchandise ne correspond et pas du tout à une espèce de calcul des intérêts. Donc là aussi, tandis que pour le marxisme traditionnel, évidemment, tout de certaine manière correspond à des intérêts des classes, correspond évidemment au désir d'une classe de maintenir son emprise sur d'autres classes. Là, je le répète, la théorie du fétichisme, telle que la propose la critique de la valeur, se distingue radicalement de cette pensée de l'intérêt, de l'intérêt matériel, pour affirmer que le capitalisme est essentiellement une entreprise irrationnelle, inconsciente, et donc c'est aussi pour cette raison qu'elle est essentiellement une entreprise autodestructrice. Je pense que c'est ici quand même une des points où la critique de la valeur se oppose le plus nettement au marxisme traditionnel. Parce que pour le marxisme traditionnel, la société capitaliste est mauvaise et injuste et douce, mais en vérité, elle est parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à l'organiser selon leurs propres besoins et donc qui, d'une certaine manière, en profitent à dépens des autres. Tandis que pour la pensée du fétichisme, le capitalisme est dès le début une société donc essentiellement irrationnelle, peut-être même beaucoup plus irrationnelle que d'autres sociétés religieuses, animistes, etc. Et cela explique aussi pourquoi, à la fin de sa trajectoire, le capitalisme commence de plus en plus à démontrer aussi des traits contre-productifs et finalement autodestructeurs, même sur le plan psychologique, parce que vous vous rappelez, donc, en vérité, la véritable conclusion de notre cours ici devait justement être aussi l'analyse de la structure psychologique qui est liée au fétichisme. Bien, donc, on peut donc trouver beaucoup de choses importantes pour notre théorie du fétichisme chez Mauss. On peut aussi trouver beaucoup de limites. Par exemple, lui aussi était convaincu qu'il existe toujours une quelque forme de marché. C'est-à-dire, même là, il n'y a pas de monnaie, il existe quand même du marché. Et, en revanche, ce qui, comme j'ai déjà dit, est important, qu'il montre, donc, analyse qu'il n'existe pas une économie dans les sociétés dites primitives. Donc là, on a justement souligné que là, il va. C'est justement aussi, je pense, dans la préface à la édition française du livre de Grande Transformation de Karl Polanyi, Louis Dumont a justement souligné le fait que, d'une certaine manière, Polanyi reste à moitié du chemin. Mauss était déjà allé plus loin en affirmant qu'il n'existe pas une économie dans la société primitive. Ce n'est pas que l'économie n'est pas visible, elle n'a pas encore émergé, comme dit Polanyi. Elle n'existe pas en tant que facteur séparé. Donc les êtres humains sont essentiellement des êtres de relation pour Mauss, donc ils s'établissent toujours. En établissant tout le temps des relations avec d'autres, en échangeant des choses, où effectivement le matériel, le immatériel, donc, rentre toujours, on ne peut pas faire une distinction. Les échanges, pas matériels, donc pas économiques, peuvent être tout aussi importants, plus importants que les échanges en termes matériels. Et je dirais que là, c'était peut-être l'autre grande avancée de Mauss, c'était de vraiment avoir souligné que l'être humain existe, si on veut, donc d'abord comme un être de relation et non comme un individu qui forme une société après. Et donc là, je pense effectivement, je ne dis pas le premier, mais quand même, on peut dire que depuis Hobbes, du 7e siècle, parfois toute la pensée moderne a toujours été individualiste, a toujours présupposé qu'au début il y a des individus, donc chacun a sa souveraineté originaire. Donc les êtres humains, donc s'ils allaient jusqu'au bout de leur force, ils devaient se entretuer tout le temps. C'était évidemment, c'est Hobbes qui l'a dit, et toute la pensée moderne l'a accepté. Donc la société, c'est après quelque chose qui arrive, donc c'est une espèce de hoax, c'est une espèce de invention qui justement, où les individus renoncent à une partie de leur souveraineté originaire en échange d'avoir la vie sauve. Mais la société est comme toujours pensée donc comme une espèce d'agglomération d'individus, donc. Et ce qui veut aussi dire que la société risque aussi à tout moment de se décomposer à nouveau dans les individus ou dans les familles qui la composent. Et donc cette pensée a effectivement régné pendant 250 ans, presque souveraine, mais aussi Marx aussi reste quand même assez largement dans cette pensée de l'individu. C'est effectivement un grand mérite de Mauss d'avoir insisté sur le fait que les êtres humains ne peuvent jamais être pensés en tant qu'individus. Parce qu'il existe déjà à l'état originaire, d'une certaine manière déjà en tant que élément d'une chaîne. Justement parce que le don est une chaîne, il ne peut pas être fait entre deux individus. L'échange, effectivement, l'échange donc, par la pensée moderne est toujours une échange entre individus, parce que l'échange typique est toujours un échange entre deux individus. Donc moi je te donne des bananes, tu me donnes les sel, nous sommes quittes, après on peut recommencer. Donc évidemment, les dons ne peuvent pas fonctionner entre deux. Les dons se basent toujours en principe sur l'idée d'une chaîne à l'infini. Donc on va toujours à la limite circulaire. Mais donc, dans une société du don, les individus ou les cellules sociales comme les familles sont déjà toujours pensées donc, comme partie d'une tout. Et donc, ce tout ne risque donc même pas de se dissoudre dans une agglomération d'individus. Et évidemment, la forte révalorisation de la pensée de Marcel Mauss dans ces dernières décennies, c'est, évidemment, ça fait aussi beaucoup référence à cette idée d'une espèce de socialité originaire de l'être humain. Parce que c'est là, dans la vision plus optimiste, permettrait aussi, finalement, aussi de s'échapper à cette espèce de chantage que nous subissons depuis Hobbes. Depuis Hobbes, donc l'idée, c'est toujours, donc vous avez le choix, donc où vous voulez être libre, alors vous risquez toujours de trouver plus fort qui va vous casser la tête, ou sinon, c'est la sécurité en échange de la liberté. Et justement, dans une optique mossienne, en vérité, l'état originaire de la société n'est pas la guerre de tous contre tous. Ce n'est pas non plus l'amour spontané de tous pour tous, mais simplement le fait que chacun a dès le début besoin de l'autre et existe justement en tant que partie d'un réseau. Même si il me semble que même, d'une certaine manière, Mauss lui-même, en vérité, ne fait que déplacer la perspective hobbesienne, parce que lui-même, il insiste quand même sur le fait que le don, justement, ça sert exactement à empêcher la guerre perpétuelle de tous contre tous, parce qu'en vérité, même Mauss semble comme convaincu qu'il existe une espèce d'hostilité naturelle entre les individus ou les segments sociaux, et qu'en vérité, le don est une espèce de contrat social permanent, comme il le dit, qui n'est pas établi une fois pour tous, comme chez Hobbes ou comme chez Rousseau, mais que le don est une espèce de contrat social qu'il faut renouveler tous les jours. On va parler après ou la prochaine fois aussi évidemment de références contemporaines à Mauss et de cette renaissance qu'il a eue dans les dernières décennies. Et d'ailleurs, de toute manière, même Mauss donc ne se voyait pas exclusivement comme un ethnologue ou comme un chercheur. Donc l'essai sur le don était écrit explicitement dans un but aussi politique. Et surtout dans la dernière partie, donc, il invite explicitement ce contemporain à réformer la société en faisant une partie beaucoup plus large au don. Donc sa recherche est donc faite de même que la recherche de Polanyi pour intervenir dans le débat de son époque, et il a la même idée que Polanyi, ce qui évidemment lui a procuré un public assez large, surtout aujourd'hui. Et donc il veut donc d'une certaine manière que la politique réponde ses droits, qu'il y ait une espèce d'intervention collective qui peut limiter donc évidemment les effets destructeurs d'une société purement économique où chacun ne pense qu'à son propre bien. Donc, Mauss, comme Polanyi, comme d'autres, donc, sont des auteurs vaguement socialistes, donc surtout avec l'idée qu'il faut les institutions, pas nécessairement surtout l'État. Chez Mauss, c'est surtout plutôt l'idée de corporation professionnelle, donc un peu aussi comme chez Durkheim, qui doivent pratiquement reprendre, selon eux, cette espèce de prééminence du social sur l'économique qui serait une espèce d'état normal de la société humaine. Donc la société moderne s'est fourvoyée au XIXe siècle, donc en s'est donnant à un libéralisme débridé qui finalement a porté la société évidemment au bord de l'abîme, mais auquel on peut remédier, donc sans sortir complètement du cadre capitaliste, sans sortir du travail, sans sortir du, du, du, du travail salarié ou du travail abstrait, etc. Donc on peut sortir simplement en imposant une partie beaucoup plus large du collectif à l'intérieur de la société. Voilà, le mot s'est conclu, il dit « Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont très récemment fait de l'homme un animal économique. Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. Dans nos masses et dans nos élites, la dépense pure et irrationnelle est des pratiques courantes. Elle est encore caractéristique de quelques fossiles de notre noblesse. L'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous, comme l'homme de la morale et du devoir, comme l'homme de la science et de la raison. L'homme a été très longtemps autre chose. Il n'y a pas bien longtemps qu'il est une machine compliquée, une machine à calculer. » Et donc là, évidemment, il est très juste Mauss, mais évidemment, il s'imagine plutôt facile la sortie. Donc, par exemple, il en cite, par exemple, les patrons d'être plus généreux avec les ouvriers, donc de faire certainement plus dons, donc de comprendre que ce sont eux-mêmes qui ont tout à gagner, donc à travers. Donc en étant plus généreux, en n'appliquant pas, par exemple, les lois de l'économie jusqu'au bout, et en permettant, par exemple, des caisses, des choses, l'allocation de chômage, etc., les mêmes patrons auraient contribué à une société harmonieuse, donc eux-mêmes auraient finalement trouvé des gros bénéfices. Justement, d'ailleurs, c'était la dernière fois presque offusqué parce que j'avais dit que la pensée de Durkheim était réactionnaire. Là, il faut dire, évidemment, elle ne l'était pas du tout selon les critères de l'époque. Donc, selon les critères de l'époque, c'était évidemment une pensée qu'on aurait dit modérément progressiste. Donc, évidemment, le réactionnaire à cette époque-là, c'était évidemment le royalisme, c'était évidemment monarchie et religion, etc. Par rapport à ça, Durkheim était tout au contraire un représentant éminent de l'esprit républicain, donc on le dit probablement centre-gauche, comme on aurait dit aujourd'hui. J'avais simplement dit réactionnaire, évidemment, par rapport à une critique du type marxienne, mais j'ai dit que justement le paradoxe, c'est une pensée comme Durkheim qui s'est posée comme but de défendre la société capitaliste contre sa déségrégation, a quand même dit des choses sûrement beaucoup plus justes sur la constitution fétichiste de la société, qui de certaine manière se rencontre avec les analyses de Marx, et plutôt que certes beaucoup d'autres théories qui prétendent être plus progressistes, parce qu'en vérité finissent tout au contraire pour attribuer aux individus une espèce de pouvoir sur leur propre vie qui en vérité est démenti tous les jours justement par la réalité de la société capitaliste. Alors, je dis, ben, ça peut sembler assez téméraire de parler dans une demi-heure de Mauss. Comme je dis, je ne voulais pas du tout épouser l'argument, je voulais justement faire voir quelle partie de cette pensée-là peuvent effectivement être rentrer dans un rapport de fertilisation réciproque avec la pensée du fétichisme de la marchandise. La même chose, plus brièvement, on peut aussi le dire d'un autre auteur du même genre, donc l'américain Marshall Salins, qui est encore en vie, mais qui était devenu fameux en 1972 avec son livre qui s'appelle L'économie de l'âge de la pierre, je crois, en français. Où évidemment le titre semble déjà une espèce comme équivoque, parce qu'en vérité, justement, parce que Salins est polémique justement contre cette attribution d'une économie aux sociétés primitives. C'est un peu le même cas comme le livre L'économie antique de Moses Finlay. Au moment Finlay, il commence tout de suite pour critiquer son propre titre en disant qu'il est inapproprié parce qu'il n'existait pas une économie dans la société ancienne. Évidemment, le grand mérite de Saline, c'est évidemment d'avoir, d'avoir voulu battre en brèche le mythe de la pauvreté originaire, des manques de ressources, l'idée que les sociétés primitives sont toujours dans une espèce d'effort perpétuel pour s'assurer un minimum de survie, jusqu'à ce qu'ils ne réussissent pas à progresser et à améliorer leurs conditions. Au contraire, donc, on se base donc sur une matériel ethnographique assez large et aussi sur les observations de première main. Donc, il affirme au contraire que donc, la plupart des sociétés, surtout des sociétés pré-agricoles, surtout des sociétés de chasseurs et cueilleurs, même certaines sociétés agricoles, au contraire, sont des sociétés riches et opulentes au moins par rapport à leurs propres ambitions, à ce qu'ils veulent. Maintenant, comme j'ai dit, l'anthropologie culturelle n'est pas au centre, malheureusement, n'est pas au centre de mes études, mais je sais que Saline a suscité beaucoup de discussions. Je pense que même son affirmation sur l'opulence originaire probablement n'est pas restée sans critique et sans réponse. Donc je vais exposer brièvement donc certains de ces résultats, mais il est bien possible que d'autres recherches peuvent également donc mettre en doute la vérité de tout ce qu'il dit. Mais surtout donc la partie la plus intéressante de l'œuvre de Saline, c'est l'analyse que l'idée d'une espèce de manque originaire des ressources, une pauvreté donc de début, est vraiment dû au fait de notre projection et de la projection de notre critère sur d'autres sociétés. En effet, il dit de manière assez plaisante. Ayant attribué aux chasseurs des motivations bourgeoises et l'ayant muni d'outils paléolithiques, nous décrétons par avance que sa situation est désespérée. C'est évident que si nous pensons que c'est le but de tout être humain de se entourer le plus possible de biens matériels, c'est évident que dans ces cas-là, dans ceux qui n'ont que des flèches, évidemment, doivent nécessairement rester au plus bas de l'échelle humaine. C'est évidemment. Cela est quand même dû essentiellement au fait d'universaliser donc cette aspiration à la richesse matérielle, qui en vérité, dit Saline, est largement contradit par le matériel ethnographique. Donc il dit que c'est le marché qui institue la rareté d'une façon sans précédent et à un degré nulle part ailleurs atteint. L'insuffisance des moyens matériels devient le point de départ explicite, chiffrable, de toute activité économique. Tandis que, c'est-à-dire mesurer avec des critères modernes économiques, évidemment, toutes les sociétés primitives sont extrêmement pauvres. D'ailleurs, cela me rappelle aussi, parfois, on peut aussi lire des choses assez comiques du genre, que par exemple, au XVIIIe siècle, on vivait dans le monde entier avec l'équivalent, disons, de 100 euros par mois. Donc j'ai vu sérieusement des calculs de ce genre, donc, où on fait une espèce d'échange entre les monnaies de l'époque et les monnaies modernes pour démontrer donc, à quel degré de pauvreté existait à cette époque-là. Et donc c'est évident, on le dit, si on attribue le critère d'une recherche d'un profit maximal pour chaque individu dans la société, évidemment toutes les sociétés précapitalistes sont pauvres pratiquement par définition. Et en vérité, la question est justement qu'est-ce qu'on considère comme évidemment désirable dans la vie. Par exemple, il cite des habitants de la Terre du Feu, ou par exemple, de ne pas avoir plus d'un exemplaire, des outils et des armes de chasse, et au contraire apprécier parce que ça veut dire qu'on a confiance en soi-même. Donc beaucoup, en vérité, beaucoup de voyageurs et les premiers ethnographes ont au contraire mentionné l'abondance qui existait, par exemple, en Afrique avant la violence coloniale, que beaucoup, par exemple, des ressources n'étaient même pas utilisées, beaucoup de ressources alimentaires étaient plutôt gaspillées une fois que les nécessités de base étaient satisfaites. En général, pour le chasseur, en vérité, la richesse est plutôt un fardeau. Donc, le chasseur s'intéresse surtout à tout ce qu'il peut amener sur son dos. Et donc, les autres choses, simplement, tout ce qui est trop lourd, qui empêche la mobilité. Donc, n'a pas du tout apprécié. Et donc, tandis que, par exemple, selon les interprétations modernes, ce qui donne de la valeur à un objet, ça peut être où la valeur travail, sa utilité marginale. Tandis, par exemple, pour les chasseurs, souvent, c'est le fait que quelque chose reste assez petit et transportable. Ça peut, par exemple, être ce qu'on apprécie le plus dans un objet. Donc après, donc, il cite une série de chiffres, donc il dit qu'en général on peut prouver que le peuple de chasseurs-collecteurs travaille moins que nous et que loin d'être un labor continu, la quête de nourriture est pour eux une activité intermittente qu'ils jouissent de loisirs surabondants et dorment plus que dans la journée par personne et par an que dans tout autre type de société. Donc dans la société des chasseurs, donc ils ne sont pas du tout occupés tout le temps à se procurer les minimums vitaux. Donc il cite d'autres peuples, par exemple les Australiens, qui dans leur langue ils ne font pas de différence entre le travail et les jeux. Et donc il arrive à la conclusion, donc si par exemple beaucoup de ces peuples ne sont pas arrivés à bâtir une culture, ce ne dépendait pas du fait qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'ils devaient passer tout leur temps à la chasse ou à d'autres choses nécessaires. C'est simplement qu'ils étaient trop paresseux. On peut dire simplement pour eux, ça ne valait pas la peine de progresser. Par exemple, souvent, le travail d'un chasseur est suffisant pour faire vivre 4 ou 5 personnes. Évidemment, dans une optique du développement, ça veut dire que les autres 4 ou 5 personnes font quelque chose d'autre, mais évidemment, dans une autre optique, ça veut dire que les autres 4 ou 5 ne font rien. Et donc, il cite des cas de beaucoup de populations où les carrières de travail souvent sont assez brèves, du genre 15 ans. Et il cite surtout le peuple africain, mais cela serait intéressant pour le débat contemporain sur la retraite, où ce sont les jeunes qui jouissent de la vie, et c'est une fois qu'on s'est marié qu'on doit commencer à travailler sérieusement jusqu'à ce qu'on crève. Donc au moins les hommes dans ces sociétés se marient aussi tard parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont mariés, donc c'est que la vie n'est plus amusante. Donc il y a une espèce de retraite anticipée. Donc au moins on peut jouir qu'on est encore capable plutôt que d'être. Donc peut-être que ça serait une proposition intéressante même pour aujourd'hui. Non, ce serait pas intéressant pour le capitalisme. On va pas aller travailler, non. Donc il cite de nombreux exemples qui est très souvent dans les sociétés dites primitives, donc la production s'arrête au moment où, par exemple, on a tous les aliments donc la société a besoin. Et donc, il n'y a pas un désir de faire plus du nécessaire. Et donc, si ces sociétés restent, évidemment, avec un degré matériel qui nous semble très, très faible, ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Tout simplement qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas d'intérêt. Et donc, par exemple, il dit, par exemple, dans une trouver. Dans la communauté, le groupe de production domestique plus grande et la capacité relative de travail de la maisonnée, moins ce membre individuel travaille effectivement. Donc il a justement, il n'a pas cette idée d'une espèce de cumulation, d'une espèce de cycle élargi. Donc si la productivité augmente, ça veut justement dire qu'on s'engage moins. Et en même temps, et parfois on a chez Saline sur l'impression qu'il fasse un portrait un peu idéalisé de sa société. Et en même temps, il ne leur attribue pas une vie évidemment sans conflit. Il dit que le conflit et ce qu'on pourrait appeler l'ambition dans ces sociétés tourne autour d'une espèce de pouvoir politique, on pourrait même dire du prestige. Il y a, dit-il, par exemple, dans ces sociétés, des gens qui travaillent plus que d'autres, mais ils le font pour pouvoir, après, par exemple, donner des fêtes, pour être généreux avec les autres. Et donc, en général, il dit dans ces sociétés-là, souvent, ce ne sont pas les riches qui exploitent les autres, mais ce sont les autres qui exploitent les riches. Donc, parce que toute accumulation des richesses est suivie à brève échéance de déboursement. Au demeurant, les richesses sont souvent amassées au vu précisément de les prodiger. Donc, évidemment, donc les excès sont. Évidemment, on peut être utilisé collectivement, évidemment, dans la fête, dans la dépense somptuaire, dans le sacrifice, dans tout ce qui, évidemment, qui donne aussi un sens à l'existence et qui fait un lien social. Mais il y a aussi, dit-il, dans beaucoup de sociétés, une richesse individuelle, mais qui, justement, qui ne reste pas stable, qui n'est pas la base pour devenir encore plus une richesse, mais qui sert à acquérir ce qui est le bien suprême dans sa société, c'est-à-dire la considération des autres. Et donc, ça veut aussi dire que leur accumulation ne va jamais au-delà d'un certain degré, parce que dès qu'on a, évidemment, on a amassé assez, donc on va faire une grande fête pour être apprécié par les autres. Donc tout cela, donc les sociétés qu'il décrit doivent assez finalement un peu ressembler non, à la société des Schtroumpfs, qui également, quand lorsqu'ils ont récolté assez de fraises, passent leur temps dans des fêtes. Oui, moi j'ai une question. Ce concept de richesse, moi je l'aime pas beaucoup. Ce concept de richesse, là. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de temps en temps de richesse, de richesse, de richesse. Mais la richesse, c'est un concept qui est très différent selon les sociétés dans lesquelles on est. Je veux dire, être riche à l'époque, c'était donné. Tandis qu'aujourd'hui, être riche, c'était montrer sa richesse matérielle, point. Je veux dire, tu crois pas que ce concept de richesse voudrait. Le mettre un peu à part parce que justement je trouve qu'il rend confus tout le reste quoi. Il rend confus tout le débat quoi. Je trouve que il n'enrichit pas le débat quoi si tu veux. Non mais si tu veux, bon, si tu veux faire la différence entre valeur, richesse matérielle, richesse sociale, etc. Bon, mais d'une manière anthropologique, si tu veux, bon, dans les lectures que j'ai faites, je trouve que ce terme de richesse il est très ambigu. Rend confus tout le débat. Oui, parce que la richesse peut être parfois interprétée comme vraiment au sens étroit comme bien matériel, et de l'autre côté, comme évidemment ce qui est considéré désirable. Évidemment, comme on dit, par exemple, évidemment, lorsqu'on dit, par exemple, évidemment, la véritable richesse pour le chasseur des salines réside, par exemple, dans la mobilité, donc les objets les plus appréciés sont ceux qu'on peut facilement déplacer. Mais, par exemple, on peut comme parler de certaines richesses matérielles si quelqu'un, par exemple, veut travailler plus que les autres, amasser une quantité plus grande d'aliments pour pouvoir donner une fête et encaisser l'appréciation des autres. Là, évidemment, nous sommes effectivement en termes d'une richesse matérielle, mais qui, justement, n'existe pas en tant qu'économie parce qu'elle sert essentiellement sur un plan social. C'est justement ici toujours cette idée centrale qu'évidemment ce qu'on peut appeler l'activité productive dans ces sociétés n'est formée jamais un secteur économique à part, mais était évidemment toujours au service de quelque chose d'autre. Alors comment vous définiriez l'économie? l'économie, donc ce serait quoi? Alors c'est à partir du moment où les objets sont déconnectés d'une valeur sociale, enfin, d'un usage social, l'économie apparaîtra alors. Bah justement, on a parlé dans les dernières décennies souvent de la bonne fonction de l'économie. Donc, je veux aussi en parler la prochaine fois. Et justement, c'est au XVIIe siècle qu'est né aussi le concept, la science de l'économie. Donc, une science de comment on peut accumuler des richesses aussi exprimées en termes monétaires, donc qui sont déconnectées des objets concrets, qui devront une espèce de comptabilité à part, et où donc finalement la production et toute la vie sociale servent finalement donc à augmenter évidemment ce côté de la vie qui est défini comme richesse économique. Et donc là, donc certaines entreprises, il existe dans le livre de Serge Latouche qui s'appelle justement là une bonne fonction de l'économie. Il existe aussi les recherches de Louise Dumont sur le passage de l'homo hierarchicus à l'homo equalis. On est toujours à peu près au XVIIIe siècle. Et justement le problème, je vais revenir, c'est que ces auteurs-là parle donc souvent d'un phénomène essentiellement idéologique, donc comme si c'était seulement l'économie était simplement une nouvelle science, un nouveau regard posé sur les choses, qui après a réussi aussi à remodeler la réalité. Que ce que moi je veux aussi mettre le doigt sur le fait qu'il y avait aussi une histoire bien réelle qui commence peut-être même avant, à la fin du Moyen-Âge, et qui est étroitement lié avec la diffusion de l'argent, parce que évidemment l'argent n'est pas identique à l'économie, mais c'est quand même l'argent en tant que marchandise sans qualité, qui d'une certaine manière rend possible l'existence d'une économie à part. Parce que tandis que, justement, on ne peut pas parler d'économie jusqu'à ce qu'on produit en échange fait toujours partie d'une affirmation ou redéfinition des rapports sociaux entre les personnes. Et, parce que tandis que dans la société capitaliste, c'est pas une seule société où la place des individus dans la société dépend de leur position économique, dépend justement du travail qu'ils peuvent ou faire eux-mêmes ou s'approprier des autres. Tandis que dans les sociétés pré-capitalistes, les hiérarchies sociales étaient toujours formées sur d'autres bases, qui d'ailleurs n'étaient pas nécessairement toujours meilleures, c'est une autre question, mais c'était très souvent des bases d'une conquête militaire précédente qui après s'est figée, où il pouvait y avoir une autre sacrale, où il pouvait y avoir une compétition autour du prestige, donc où dans les sociétés d'un peu de chasseurs, ça pouvait simplement être la habilité de la chasse et d'autres. Et donc c'était après la place de chacun dans la société que lui permettait aussi d'accéder aussi, par exemple, à une partie plus ou moins grande de la production matérielle faite par cette société. Mais il n'y avait pas une séparation entre ce que nous pouvons appeler économique et le rôle social. Et surtout parce que la société dans son ensemble n'existait pas pour augmenter la production matérielle. C'est là aussi ce que Polanyi donc a appelé justement le désencastrement de l'économie. Donc ce fait que l'économie devient souveraine, ça veut aussi dire aujourd'hui, on ne les voit pas tous les jours, tout ce que nous pouvons appeler social et politique existe afin que l'économie marche. Donc même aujourd'hui, toute politique est devenue ouvertement une politique économique. Bâtiment, le seul but de la politique, c'est de stimuler la croissance. Donc là, elles le disent vraiment de manière absolument claire. Tandis que dans une société pré-capitaliste, c'était le contraire. Le but de la société, c'était autre. Ça pouvait être le service des dieux, ça pouvait être la recherche de gloire de la part des rois et des autres, où ça pouvait être le bien-vivre pour d'autres sociétés, mais c'était toujours, les buts de d'autres sociétés étaient toujours définis d'une manière non économique, et ce que nous pouvons appeler économie servait à permettre aux individus de réaliser cet autre genre de but. De même, par exemple, dans la société, par exemple, ancienne, le but du citoyen libre, c'était d'aller, par exemple, sur la place du marché et discuter avec les autres, faire de la politique, par exemple, à Rome et à Athènes. Et tout ce qui était, évidemment, il existait une production, elle était en général faite par les esclaves, et donc ça veut dire qu'elle se situait dans un espace pré-social, donc la société justement commençait au-delà de l'économie dans la société ancienne. Et justement, c'est là aussi la question, est-ce que l'économie restait de certaine manière encastrée dans ces sociétés anciennes, tout en étant déjà là? C'est un peu la position de Polanyi. Ou faut-il plutôt dire qu'il n'existait pas encore, parce qu'il y avait une mélange d'activités sociales qui ne permettait pas du tout de parler d'une sphère économique séparée. C'est le même discours qu'on pour l'art. Par exemple, l'art, c'est une abstraction de... attribuer à toute société une art à part. J'aime beaucoup toujours cette anecdote, je ne sais pas où je l'ai lu, que lorsqu'un voyageur a demandé, je pense, à Bali, et où normalement tous les objets sont sculptés en bois, donc des cuillères à la maison, à la canoë, tout, c'est extrêmement artistique, et donc quelques voyageurs voulaient parler donc, avec les habitants de leur art, ils ne comprenaient pas ce que ce mot veut dire, et finalement ils ont dit: nous n'avons pas d'art, nous cherchons de faire tout de la meilleure façon possible. Simplement, ce que nous appelons art, c'était pour eux quelque chose de mélangé évidemment à toute construction matérielle. Donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer d'appliquer une art à quelque chose d'utilitaire qui pouvait également exister sans art. Et donc, de même que ces sociétés n'avaient pas une esthétique à part, ils n'avaient pas une économie à part. C'est au moins, comme je l'ai dit, la conclusion à laquelle on peut arriver en lisant justement. Donc Mauss, Polanyi, Salins, Dumont, et je trouve justement que là, effectivement, tout touche beaucoup plus juste que le matérialisme historique, que tout au contraire. Veut dire qu'en vérité, on a toujours été dans toute société de l'économie, et que même le chasseur primitif, et même la société babylonienne et tous, en vérité, il était déjà. Est exclusivement occupé par la production matérielle la plus grande possible. Parce que justement, ça serait contredit par le fait qu'en général, ces sociétés ne progressaient pas, en général, en termes économiques, et en général, ils laissaient très souvent des possibilités productives sans les exploiter. Parce que c'est aussi le fait que, bien connu, par exemple, certaines machines ont été inventées bien avant la révolution industrielle, mais on ne les utilisait pas, par exemple parce que, pour ne pas priver de leur travail les gens qui les faisaient déjà. Et là, par exemple, c'est justement, je ne sais pas si je racontais cet autre épisode du Capital de Marx, qui m'a toujours beaucoup plu. Il raconte, mais malheureusement, je n'ai pas pu vérifier sa source, que vers 1680, donc quand même à peine un siècle avant la révolution industrielle, et on a dans une ville allemande, quelqu'un s'est présenté avec l'invention d'une machine qui devait être quelque chose qu'on a déjà, la machine à vapeur, donc qui pouvait économiser beaucoup de travail. Donc tout fier, il a proposé cette invention au conseil communal. Le conseil communal, au lieu de lui acheter sa machine, a pris la machine, l'a fait brûler, a pris l'inventeur et l'a secrètement fait étouffer, en disant que si on réalisait cette invention, donc beaucoup de gens auraient perdu leur travail, donc beaucoup d'artisans donc n'en auraient plus eu du pain, donc on aurait donc eu de graves dérangements sociaux. Donc c'était une espèce, évidemment, peut-être une contribution anti-industrielle avant l'époque, dans la question de qu'est-ce qu'il faut faire avec les scientifiques. Là, c'était très drastique. Il y a un autre exemple, moins caricatural, c'est les machines hydrauliques qui ont été utilisées jusqu'à une période très récente, principalement dans les jardins, comme des jouets, ouais. Notamment dans les jardins italiens. machine hydraulique qui était connue de l'Antiquité et qui était assez sophistiquée. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'exemple de Marx, c'est justement l'argumentation encore pré-capitaliste de ce conseil communal et même composé d'artisans. Il y a d'abord un intérêt social. L'intérêt social, c'est que tout le monde, ou tous les artisans, qu'ils doivent avoir la possibilité de vivre avec leur activité. Et si une machine va augmenter la production, va ôter son peuple à des familles, on ne va pas l'utiliser. Et donc, dans ce contexte-là, on peut dire, en termes de polémique, que l'économie reste encore encastrée dans le social, et comme une prééminence du social. À peine un siècle plus tard, la logique, c'était, oui, il faut produire le plus possible, et si les gens perdent leur travail, tant pis pour eux, ils vont trouver quelque chose d'autre, mais on va continuer. Et... ça dépend peut-être de la représentation nationale, justement. S'il n'y avait que des artisans à l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, ben, c'est sûr que dans le Parlement anglais de la Révolution industrielle, il y avait très peu d'artisans, mais... Et en plus, évidemment, là encore, on pourrait même dire qu'il y avait naturellement une troisième possibilité. Donc plutôt que de déchaîner une production industrielle au détriment des humains ou de non utiliser certaines possibilités, on aurait évidemment aussi pu dire on peut utiliser la machine, mais évidemment à condition que ces bénéfices seront redistribués parmi tous les membres de la communauté. Là, évidemment, c'est évidemment la perspective qui a utilisé le monde dans l'histoire. On connaît aussi l'autre passage d'un écrivain de la tarde antiquité qui est cité, je crois, par rapport à la femme dans le droit à la paresse, qui est évidemment quelqu'un avec un esprit prophétique, j'oublie quel était l'écrivain. Imaginez une machine qui va puiser l'eau au puits, et donc de manière que les servantes peuvent dormir, tout peuvent faire la grasse matinée, parce qu'elles n'ont pas besoin de puiser l'eau au puits. Mais également, de certaine manière, il juge que c'est une fonction est finalement absolument inutile, parce que pourquoi permettre aux esclaves de ne pas travailler de toute manière. Là, nous ne sommes pas dans une optique capitaliste qui aurait dit oui, avec les esclaves et les machines ensemble, on peut faire davantage, mais évidemment, nous ne sommes même pas dans une société libre qui dit autant mieux si les esclaves ne doivent pas travailler, mais évidemment, les sociétés antiques, comme toutes les sociétés pré-capitalistes, est une société essentiellement préoccupée par sa propre stabilité. Je pense même donc, si on devait dire que la véritable différence entre la société pré-capitaliste et capitaliste, évidemment ce n'est pas l'existence de la des classes sociales, parce qu'évidemment on a toujours eu des stratifications sociales très injustes, c'est pas l'existence du fétichisme, parce que toute société était fétichiste, était inconsciente. Pour moi, je pense peut-être vraiment la véritable fracture est justement le fait que toutes les sociétés précapitalistes étaient essentiellement stables et ne connaissaient pas une véritable dynamique intérieure à partir de le monde de production. Donc, cette société essentiellement se reproduisait plus ou moins à un niveau donné, où s'il y avait une croissance, elle était très lente et surtout elle n'était pas désirée. Donc, je pense que le véritable changement est aussi le véritable et point de conjonction entre structure technique d'un côté et justement structure sociale marchande et justement cette idée de l'illimité, donc cette idée qu'il faut absolument faire toujours plus, il faut grandir, il faut croître. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons pas pu parler de Polanyi, mais justement, là, on va le faire la prochaine fois, mais justement, là, et si Polanyi peut nous paraître peut-être un peu plus faible que, par exemple, que Mauss au monde du côté de la mise en discussion de la catégorie de l'économie. En revanche, Polanyi a un regard évidemment très perspicace sur la tendance autodestructeur du capitalisme. Et pas comme une espèce de conséquence qui arrive à la fin, mais comme quelque chose qui est déjà existant depuis le début. Donc, on l'a dit, donc, analyse justement la société anglaise comme une société qui, quelques décennies après l'introduction du capitalisme et des machines, était déjà pratiquement au bord du gouffre s'il n'y avait pas. Si on n'avait pas tiré une espèce de frein d'alarme, pratiquement à travers justement la réintroduction d'autres manières sociales, donc comme la première législation sur le travail. Donc Polanyi donc, a bien démontré qu'une société qui a abandonné complètement aux lois économiques serait une société donc, absolument invivable, une société donc, qui effondrait assez rapidement donc, sur son propre. Sous le poids de sa propre dynamique. Le problème chez Polanyi, donc, c'est qu'il, en vérité, il ne parle pas, donc, il n'a pas une idée du travail abstrait. Et même le rapport de classe, ça reste assez vague. Finalement, en vérité, Polanyi ne parle que du marché autorégulateur. Donc, selon Polanyi, donc, le mal de la société du capitalisme moderne réside seulement dans le fait que ce sont aussi la terre, le travail et la monnaie qui deviennent des marchandises. Donc l'existence de la marchandise reste quelque chose d'assez naturel aux yeux de Polanyi. Et donc selon lui, donc, la société commence à aller vers l'autodestruction seulement lorsqu'elle transforme en marchandises des choses qui ne sont pas des marchandises par nature. Donc le travail, la terre et la monnaie. Alors, c'est sûr qu'on va pouvoir nous attendre, Léon, non ? Donc, alors, on va s'y voir dans deux semaines. Donc, on va terminer le cours d'aujourd'hui. Et après, on a encore donc, trois séances, les trois premières mardis d'avril.